maintenant à la pause. Quelques-uns ont posé des questions en ce qui concerne Job avec des significations suffisamment profondes que ça vaut la peine de les répéter ici, de les mettre en public. Hein? Donc, je continue avec une période de questions seulement pour quelques instants pour reprendre quelques-unes de ces questions. Est-ce que vous avez compris la question? Lorsque nous confessons à Dieu nos souffrances, comment ne pas tomber dans la contestation? Oui? C'est surtout une question d'attitude. C'est une question de motivation. C'est une question de cœur. Où se trouve la ligne exacte? C'est à Dieu de nous connaître. Et nous avons toujours des cœurs corrompus. Donc, il faut toujours être humble à cet égard. Mais de crier à Dieu pour la grâce et de confesser que nous sommes troublés, et que nous sommes découragés ou quoi que ce soit, c'est bien évident qu'on peut le faire d'une façon sainte. Après tout, la cri de désolation de Jésus-Christ lui-même. Par contre, c'est aussi possible que c'est rempli d'amertume et tout cela, ça aussi. Il faut s'examiner, surtout la motivation du cœur, et demander à Dieu pour la grâce de lutter avec lui comme Jacob, pour ainsi dire, mais sans amertume, sans la haine, sans le blâmer. Crier pour la justice, peut-être même, mais quand même avec la citation de Job, « Though he slay me, yet will I trust him. » Malgré qu'il me tue, je me fierai à lui. Il n'y a pas de formule. C'est une question enfin du cœur, n'est-ce pas? Il y avait une autre question ici. Oui. Oui. Et c'est une bonne question pour plusieurs raisons. Et c'était une des questions où j'ai suggéré que ça doit être posé en public. Ce qui est intéressant, en partie, c'est que Job 28, ce poème de sagesse, ça appartient au genre la sagesse. Et en général, ce genre de littérature présente ses idées en polarité. Donc, chez Proverbe, il y a la femme sagesse et la femme folie. Et ce n'est pas moitié-moitié. On suit soit l'une, soit l'autre. Souvent, on dit, par exemple, que psaume 1 est un psaume de sagesse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que deux voies. La voie de fidélité, où on rejette le conseil des méchants et tout cela, on suit la parole de Dieu, ou on suit l'autre chemin. Et il y a une division complète à la fin de ce psaume, psaume 1, 6. Il n'y a que deux voies. Et quand nous lisons de choses semblables, de temps en temps, on commence à nous dire, mais ce n'est pas mon expérience. Des fois, je poursuis la sagesse et des fois la folie. J'aime les deux femmes, merci. Et à cause de cela, je suis corrompu. Et n'est-ce pas vrai qu'il y a d'autres passages de littérature? Oui, David, c'est un homme qui a un cœur qui suit Dieu. C'est un homme qui aussi commet l'adultère et la meurtre. On se pose la question, qu'est-ce qu'il aurait fait s'il n'avait pas un cœur qui suivait Dieu? Quoi faire avec ces choses? Hein? Abraham, ami de Dieu, aussi menteur. Et donc, dans le genre de littérature narrative, souvent les ambiguïtés morales d'une vie sont bien exprimées. Dans le genre de littérature sagesse, toujours des polarités. Par exemple, dans le Nouveau Testament, le prédicateur qui prêche d'une façon de sagesse, C'est souvent Jésus. Maintenant, Jésus utilise bien des genres, bien des formules. Mais à la fin, par exemple, du sermon sur la montagne, il a une liste de quatre polarités. On construit une maison sur la roche ou sur le sable, n'est-ce pas? Mais peut-être ce n'est pas une question de ces extrêmes. Pourquoi pas « hard pan clay », comment on dit ça en français? La glaise? Angie? Argie, ah oui, c'est argie. Pourquoi pas sur l'argie, hein? Donc, ça peut durer pour la plupart des orages. Mais on n'a pas besoin d'aller aussi loin qu'une roche, après tout. C'est un peu extrême. Donc, il y a aussi une grande voie qui mène vers la destruction, une voie étroite qui mène vers la vie. Moi-même, je préfère une voie entre les deux, hein? Puis on prend sa chance. Mais ce n'est pas ça que Jésus présente. Il y a deux arbres avec deux fruits, bon fruit, mauvais fruit. Mais pourquoi pas un fruit qui n'est pas si pire que cela, moitié-moitié, hein? Mais la sagesse ne nous offre pas ces possibilités. La sagesse nous offre seulement les polarités. Et je dirais qu'en général dans la Bible, je m'approche de votre question dans un instant, mais je dirais qu'en général dans la Bible, nous avons besoin à la fois le narratif qui admet, qui insiste, qui sont honnêtes en ce qui concerne ces passages qui sont honnêtes en ce qui concerne les ambiguïtés morales de presque tous les héros. Il y a très peu de personnes dans la Bible où nous voyons seulement de bonnes choses. Daniel, peut-être. Ruth, peut-être. Pas un grand nombre. Ils sont tous corrompus à un niveau ou un autre. Et c'est honnête. On a besoin de ça pour voir la réalité de la vie, n'est-ce pas? Mais sans les polarités, on ne voit pas que Dieu exige la perfection. On a besoin des deux. Et des fois, les deux visions sont trouvées dans un passage ou dans un livre ou dans quelques chapitres. Par exemple, 1 Jean. Sur un côté, 1 Jean commence à adresser aux chrétiens. Si tu prétends que tu ne pèches pas ou que tu n'as jamais péché, je te dis, Jean dit, que tu es menteur, tu es déçu. Non, ce qu'il faut faire, c'est confesser nos péchés. Et Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. C'est ça qu'il faut faire. Et la base de tout cela, c'est Jésus-Christ. Il est avocat avec le Père et c'est lui qui est le victime propitiatoire et ainsi de suite. Donc, toutes sortes d'ambiguïtés. Des chrétiens doivent confesser leurs péchés. C'est écrit aux chrétiens. Par contre, l'autre côté... Si tu n'aimes pas ton frère en Christ, si tu n'obéis pas à Jésus, et si tu ne crois pas à la bonne doctrine, tu n'es pas sauvé. Et le langage à cet égard est des fois extrêmement fort, n'est-ce pas? 1 Jean chapitre 3, surtout versets 9 et 10. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher, puisqu'il est né de Dieu. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment régler ce verset avec ce que nous venons de citer dans chapitre 1? Les chrétiens doivent admettre qu'ils sont encore pécheurs, qu'ils pêchent encore, et au lieu de le nier, ils doivent le confesser. Maintenant, ici... Celui qui pêche, celui qui est né de Dieu, ne commet pas le péché. Misère. Des polarités, vous voyez? Un côté, ambiguïté. L'autre côté? Eh bien, je sais que les experts grecs soulignent le fait que le verbe, c'est dans le temps présent qui signifie la pratique du péché ou quelque chose comme cela. Misère. Ça va trop loin. Il y a quelque chose dans le grec à cet égard, sans doute, mais est-ce que ça vous pardonne, ça, de savoir que Vous n'êtes pas né de Dieu si vous ne pratiquez pas le péché, mais vous péchez de temps en temps. Quelle est la différence? Hein? 3 fois par jour? 15 fois par jour? Est-ce que c'est une explication, cela? Quand j'étais jeune, dans ma 7e année à l'école, j'avais un professeur, un instituteur de mon classe, dans ma classe, qui était ancien soldat de l'armée canadienne de la Deuxième Guerre mondiale. Franchement, il aurait bien aimé rester encore dans l'armée. Et il pensait que sa classe était... ça faisait partie de l'armée, en effet. Puis, il voulait encore être le sergent en charge. Hein. Puis, il n'avait aucune idée comment enseigner, ni comment imposer la discipline pour des garçons qui avaient 12 ans ou 13 ans. Il n'y avait aucune idée. Quelqu'un faisait quelque chose qu'il n'aimait pas, il criait fort avec la voix d'un sergent, puis il donnait des ordres et tout cela. Il n'avait aucune idée quoi faire. Une des choses qu'il haïssait, c'était manger la gomme. Chewing gum, mais qu'est-ce que c'est? On dit chewing gum? Ben, c'est un mot bien français, cela, n'est-ce pas? Oh, il haïssait ça complètement. Et chaque fois qu'il trouvait un garçon qui mangeait de chewing gum, hein, il prenait le panier à côté de son pupitre, il s'est approché de la victime, puis il a cité les mots. C'est un poème, il faut que je le cite en anglais, je vais faire mon possible après. A gum chewing boy and a cud chewing cow look so much alike, yet different somehow. What is the difference? Ah, I see it now. 'Tis the thoughtful look in the face of the cow. Spit! Comment traduire cela? Misère. Il faisait une comparaison avec une vache qui chew the cud. Qui ruminait. Hein? Et puis, en fin de compte, le poème pose la question, quelle est la différence entre les deux? Et la réponse, c'est la vache a une figure plus... on ne peut pas dire ruminante, qui avait des pensées profondes dans la figure, pas comme le garçon qui mangeait le chewing gum. Eh bien, qu'est-ce que ce professeur disait, en effet? Il faut faire l'analyse maintenant. Un exégèse. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, n'est-ce pas, tu ne peux pas manger de gomme, de chewing gum ici. Tu ne peux pas. Et ça manquerait le point si moi, un autre garçon dans la classe, disait... tu manques ton coup, monsieur le professeur, parce que moi, je le fais. Quand il dit « tu ne peux pas », il ne voulait pas parler d'une façon ontologique. Hein? Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité de manger du chewing gum. C'était une impossibilité du point de vue moral. Donc, j'ai examiné chaque instant dans le Nouveau Testament où on trouve le verbe « pas possible ». Il n'est pas possible que. Et j'ai découvert qu'à peu près un quart de ces passages, j'oublie les chiffres exacts, ne vise pas sur la question d'ontologie, ce qui est en réalité la possibilité ou non, mais une possibilité morale. Tu ne peux pas manger de chewing gum ici. Ne dis pas que ce n'est pas une possibilité, mais que tu ne dois pas le faire. Et si tu le fais, tu es tellement dehors de ce qui est bon dans cette classe, de mes commandements, de ce que j'exige, que franchement, il y aura des punitions, il y aura des résultats, même la récitation de ce beau poème encore de nouveau. Donc, Dieu nous dit en effet, par 1 Jean 3:9, Ici, l'Église de Jésus-Christ, tu ne commets pas le péché ici. Tu ne peux pas pécher ici. Et ça manque le point si un chrétien quelque part dit, « Seigneur, franchement, tu manques ton coup parce que je continue à pécher. » Même tu dis dans chapitre 1 que les chrétiens continuent. Non, non, vous ne comprenez pas. Il n'y a pas de péché ici. Tu ne dois pas pécher ici. Tu ne peux pas pécher ici. C'est un absolu. Il n'y a pas d'excuse. Chaque péché est sans excuse. Pour le chrétien, on ne pêche pas. Tu ne commets pas le péché. Si tu es né de Dieu, tu ne peux pas pécher. Mais la réalité triste, c'est que nous péchons encore. Où se trouve notre seule espérance? Encore Jésus-Christ, l'avocat avec le Père. Quoi d'autre? Ça, c'est le point. Et dans la Bible entière, donc, ça prend à la fois ces passages de sagesse et d'autres polarités. Chez la littérature apocalyptique, c'est toujours en polarité aussi. Il y a les bons, il y a les méchants. C'est tout. Mais dans la littérature de drame ou le narratif, là, on commence à voir les ambiguïtés morales. Parce qu'après tout, la Bible est aussi vraie. Maintenant, si vous êtes prédicateur et vous prêchez, disons, psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. » L'hébreu est extrêmement fort. Pas ainsi du tout. Le négatif est fort. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la perdition. Et vous savez, il n'y a que deux voies. Bon, vous avez raison. Mais si c'est seulement ça que vous dites, soit les auditeurs vont dire « il n'y a pas d'espérance pour moi ». Soit ils vont dire, hey, moi, franchement, je suis parmi les bons. C'est pour cette raison qu'il faut prêcher non pas tout simplement la littérature de sagesse, mais aussi le narratif, s'y inclut la croix. Si nous prêchons seulement le narratif, on pourrait donner l'impression, après tout, David a commis l'adultère, si je le commets aussi, mais c'est pas si grave que ça. Lui, il était un homme qui avait le cœur qui suivait Dieu. Moi aussi, je veux suivre Dieu, et si je commets l'adultère, c'est pas si grave que ça. Lui, il a été pardonné. Moi aussi, je serai pardonné. Puis tout devient relatif. Quoi faire donc avec ces textes qui disent, celui qui est né de nouveau ne peut commettre le péché? Vous voyez? Ça prend la littérature de la sagesse, ça prend les absolus, les polarités, et ça prend le drame, le narratif, pour confesser que nous sommes des pécheurs encore. Et la seule solution, en fin de compte, c'est l'Évangile. Donc, en partie, vous voyez, c'est pour cette raison qu'un chapitre comme chapitre 28 dans le trame de l'histoire, ça nous bouleverse un petit peu. Parce que sur un côté, nous voulons dire, oui, il y a raison, je viens d'achever le livre de Proverbes, c'est exactement comme cela. Et de l'autre côté, ces trois copains sont condamnés. Malgré le fait qu'ils voulaient soutenir la justice de Dieu. Comment mettre ces choses ensemble? Le livre de Job doit nous bouleverser un petit peu. Est-ce que ça aide un peu, au moins? Quatrième pilier. Considération sur le mystère de la providence. Considération sur le mystère de la providence. Je commence cette fois avec deux propositions. Deux propositions, et j'insiste que ces deux Ces deux propositions sont enseignées à maintes reprises à travers la Bible. Donc, je vous donne en effet mes conclusions et ensuite je vais vous donner les textes pour les vérifier au lieu de l'envers. Je vous donne mes deux propositions et ensuite nous allons examiner quelques textes. Et ensuite, nous allons essayer de méditer sur les implications de tout cela. Mes deux propositions. Numéro un. Dieu est complètement et parfaitement souverain. Mais sa souveraineté ne réduit jamais les responsabilités des êtres humains. Ça, c'est la première. Je la répète. Dieu est complètement et absolument souverain. Mais sa souveraineté ne réduit jamais la responsabilité de ceux qui ont été créés en son image, les êtres humains. Ça, c'est la première. Deuxième. Les êtres humains sont des créatures responsables. Les êtres humains sont des créatures responsables, c'est-à-dire ils choisissent, ils croient, ils ne croient pas, ils obéissent, ils n'obéissent pas. Ils sont des créatures responsables. Ils sont chargeables avec leur réponse à la révélation de Dieu. Ces personnes sont des personnes responsables, mais leur responsabilité ne réduit jamais la souveraineté absolue de Dieu. Les êtres humains sont des créatures responsables, mais leur responsabilité ne réduit jamais la souveraineté de Dieu, la souveraineté absolue de Dieu. Maintenant, je n'ai pas essayé d'expliquer exactement on met ces deux propositions ensemble. Ça, c'est une autre chose. Mais j'insiste quand même que ces deux propositions sont enseignées explicitement à maintes reprises à travers la Bible. Et même j'insiste qu'on ne peut pas comprendre l'Évangile sans les adopter, sans les croire. Maintenant, commençons avec Genèse, chapitre 50. Genèse 50. Surtout verset 19 et verset 20. Vous vous souvenez du contexte? Contexte. Joseph et ses frères ont vu la mort de leur père. Et selon verset 15, les frères s'approchent de Joseph et ils se disent, premièrement, si Joseph allait se montrer notre adversaire et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait, alors ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, je t'en prie, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal, et ainsi de suite. » Si les frères racontent un mensonge dans tout cela, le texte ne dit pas, je ne sais pas. Et la réponse de Joseph, verset 19, Joseph leur dit, « Soyez sans crainte. En effet, suis-je à la place de Dieu? Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui et pour sauver la vie d'un peuple nombreux. » Ça, c'est la version Colombe. Maintenant, je n'aime pas critiquer les versions françaises, anglaises, quoi que ce soit. Mais encore une fois, il faut absolument que je le critique ici, parce que ce n'est pas ça que la Bible dit. Pas du tout. La Bible dit, selon Colombe, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. C'était votre intention. Et Dieu, grâce à lui, il l'a transformé. Donc, il a réagi. » L'initiative était chez les frères, c'était corrompu, et Dieu l'a transformé grâce à Dieu. Mais ce n'est pas ça que le texte dit. Le texte utilise le même verbe. Vous aviez l'intention de me blesser. Dieu avait l'intention de me bénir. Dans les mêmes événements. Le texte ne dit pas. Dieu voulait m'envoyer en Égypte pour sauver le monde et il voulait m'envoyer en limousine. Mais malheureusement, vous avez corrompu ses plans. Et le texte ne dit pas, vous, vous voulez m'envoyer en Égypte comme esclave, mais grâce à Dieu, il est revenu au bon moment pour me faire premier ministre de l'Égypte. Il y a des textes qui présentent les affaires un peu comme cela, mais pas ici. Mais dans les mêmes événements, vous, vous avez mauvaise intention et Dieu avait bonne intention dans les mêmes événements. C'est-à-dire, Dieu est souverain et il est toujours bon. Les hommes agissent dans cette affaire et ils ne sont pas tout simplement des outils sans responsabilité. Ils ont mauvaise intention, le texte le dit. Ils ont mauvaise intention. Ils voulaient faire du mal à Joseph. Et ils sont responsables pour cela, non, aussi. Si le texte donnait l'impression que l'initiative ici était complètement avec les frères et que Dieu est arrivé au dernier moment pour le sauver. Il y a des textes qui parlent comme ça de temps en temps. Mais si, dans ce passage, c'était cela que le texte disait, ça donnerait l'impression dans l'intrigue de tout le drame de Genèse que même le salut de la famille promise, la famille d'Abraham, la solution pour eux dans la famine, ce n'était pas que Dieu a tout prévu, mais c'était presque un accident de la méchanceté que Dieu, parce qu'il sait bien comment jouer ce jeu, il pouvait changer les affaires un petit peu afin de les sauver en fin de compte. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Ou, autrement, si Dieu avait le plan d'envoyer Joseph en Égypte dans une limousine, ou l'équivalent dans le monde ancien, et il n'a pas prévu la méchanceté de ses frères, cela suggère que Dieu est pas mal souverain, mais de temps en temps, il manque son coup et c'est une bonne chose qu'il ait retourné, en fin de compte, pour sauver la situation, parce qu'autrement, Joseph aurait pu passer toute sa vie en prison et la famine aurait tout détruit, la famille promise, et ainsi de suite. Hein? Ça fait pas du bon sens. Les deux propositions sont fidèles à la fois. Autrement, on ne peut pas faire du bon sens de ce texte ni de l'histoire, l'intrigue de Genèse. Clair? À peu près? Ésaïe chapitre 10, à partir de verset 5. Ésaïe 10, 5 et suivant. Dieu dit, par le prophète Ésaïe, « Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, la massue dans sa main, c'est l'instrument de ma fureur. Je te lâche contre une nation impie, c'est-à-dire les Juifs, le peuple de l'Alliance. Ça, c'est la nation impie. C'est Dieu qui lâche contre son peuple les Assyriens. De même que, selon Habacuc, c'était Dieu qui a lâché les Chaldéens contre le peuple de l'Alliance. Je te lâche contre une nation impie, je le dirige contre le peuple qui m'irrite pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. Mais il n'en juge pas ainsi, c'est-à-dire l'Assyrien, ce n'est pas ça qu'il pense qui est en train d'arriver. Et ce n'est pas ainsi que son cœur le prend, car c'est la destruction qui est dans son cœur. Ce n'est pas comme si l'Assyrien dit, « Eh bien, Dieu éternel, si tu m'envoies pour les punir, je vais les punir. Je suis prêt à être ton serviteur. » Ce n'est pas ce qu'il pense. Qu'est-ce qu'il pense? C'est la destruction qui est dans son cœur, le carnage de nations innombrables, car il dit, « Mes princes, ne sont-ils pas autant de rois? » C'est-à-dire, même les princes d'Assyrie sont comme les rois des autres pays, parce que c'est un empire déjà. N'en a-t-il pas été de Calmo comme de Carchemish, c'est-à-dire des villes où les Assyriens étaient déjà les vainqueurs? Ou encore de Hamat comme d'Arpad, ou encore de Samarie comme de Damas, si les Assyriens ont déjà vaincu toutes ces villes, pourquoi pas donc Jérusalem? De même que ma main a su trouver les royaumes des faux dieux, dont les statues dépassaient celles de Jérusalem et de Samarie, ce que j'ai fait à Samarie et à ces faux dieux, ne le ferai-je pas à Jérusalem et à ces images? Mais ça démontre que les Assyriens n'étaient pas bien au courant de la religion juive à Jérusalem, utilisant des mots comme les images à Jérusalem et tout cela. Mais quand même, l'idée est assez claire. J'ai déjà détruit Carchemish et même Samarie. Pourquoi pas aussi Jérusalem? Mais alors, verset 12. Quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, dans le contexte, son œuvre, c'est la punition de son peuple, en utilisant les Assyriens pour les punir, pour punir ce peuple. Quand j'aurai terminé, quand j'aurai accompli toute mon œuvre, sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Moi, c'est Dieu qui parle, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Donc, Dieu va les utiliser pour punir son peuple et ensuite, il va punir les Assyriens à cause de leur orgueil. Car, verset 13, il, c'est-à-dire l'Assyrien, il a dit, c'est par la force de ma main que j'ai agi. C'est par ma sagesse, car je suis intelligent. J'ai bousculé les frontières des peuples. Je les ai dépouillés de leurs trésors et comme un puissant, j'ai fait descendre ceux qui siégeaient. Ma main a su trouver comme au nid la richesse des peuples et comme on ramasse des œufs. Abandonné, j'ai ramassé toute la terre. Nul n'a remué l'aile, ni ouvert le bec, ni poussé un pépiment. La hache se glorifie-t-elle aux dépens de celui qui s'en sert? Dieu voit les Assyriens comme un outil, comme une hache. Mais une hache responsable? La scie est-elle arrogante envers celui qui la manie, comme si le bâton faisait mouvoir celui qui le lève, comme si la massue soulevait celui qui n'est pas du bois? C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel des armées, enverra le dépérissement parmi ces hommes corpulents et parmi ces nobles s'allumera un embrasement tel l'embrasement d'un feu. La lumière d'Israël deviendra un feu et son sein une flamme, et ainsi de suite. Voilà un passage remarquable, n'est-ce pas? L'Éternel Dieu, dans sa souveraineté, utilise l'empire d'Assyrie pour punir son peuple. Il utilise cet empire comme un outil, comme une hache, comme une scie. Mais quand même, il les tient responsables pour leurs attitudes, pour leurs orgueils, pour leur cruauté, pour leur arrogance. Et donc, après avoir utilisé cet empire comme un outil, il va punir l'empire. Est-ce clair? Il n'y a pas manière d'éviter cette interprétation, n'est-ce pas? Voici donc mes deux propositions. Dieu est complètement et absolument souverain. Il utilise même les empires comme ses outils. Mais sa souveraineté ne réduit jamais la responsabilité des êtres humains. Jamais. Les êtres humains sont responsables pour leurs attitudes, pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils disent. Ils sont responsables devant Dieu. Mais leur responsabilité ne réduit jamais la souveraineté absolue de Dieu. Est-ce qu'il y a un mystère là? Sans doute. Mais est-ce clair que ces propositions sont néanmoins enseignées? Vous ne devez pas me donner à ce point des mots comme calviniste ou arminien ou réformé ou quoi que ce soit. Ce sont des termes à ce point complètement bibliques. Je lis le texte. Est-ce qu'il y a d'autres manières pour comprendre ces textes en fin de compte? Actes, chapitre 4. Actes, les Actes des Apôtres, chapitre 4. À partir de verset 23. Première étape de persécution a eu lieu à Jérusalem. Pierre et Jean, maintenant, ont été relâchés. Nous lisons verset 23, « Ils allèrent vers les leurs. » Ça, c'est déjà une expression intéressante, n'est-ce pas? Ils sont tous des Juifs à Jérusalem, mais les leurs sont les Juifs qui sont chrétiens. Donc, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu d'un commun accord, ils élevèrent la voix vers Dieu et dirent. Notez bien comment ils ont prié. La première réponse de leur prière en face de la persécution, la première réponse, « Maître, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par l'Esprit Saint, de la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi les nations se sont-elles agitées et les peuples ont-ils eu de vaines pensées? Les rois de la terre se sont dressés et les chefs se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. » C'est-à-dire, leur réaction immédiate, c'est de confesser la souveraineté de Dieu. Ce n'était pas « Qu'est-ce que tu fais, Dieu? » Oui, nous confessons que tu es souverain, mais franchement, la persécution, c'est un peu trop. Non, ils confessent immédiatement la souveraineté de Dieu et surtout, ils citent psaume 2. Et ensuite, deux applications de psaume 2, la souveraineté absolue de Dieu, et il dit, ils disent, verset 27, un côté, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, ça fait référence à verset 26, contre le Seigneur et contre son oint, ton serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Se sont ligués dans une conspiration, c'est-à-dire cette façon de parler les blâme pour ce qu'ils ont fait. Ça, c'est un côté. L'autre côté, verset 28, « Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. » Maintenant, si vous acceptez, verset 27, mais vous n'êtes pas vraiment confortable avec verset 28, qu'est-ce que ça fait à la croix? Ça signalerait que Jésus est allé à la croix, pas à cause du plan de Dieu, mais à cause de la conspiration de Ponce Pilate, Hérode et les principaux sacrificateurs à Jérusalem. Quoi faire donc avec tout l'Ancien Testament? Le jour d'expiation? Les agneaux qui ont été tués? La promesse d'Ésaïe chapitre 53? Des centaines d'années de prophéties qui annonçaient qu'un jour le Messie viendrait, qui ne serait pas tout simplement le roi des rois, le fils de David, mais aussi l'agneau qui prendrait nos péchés. Pas tout simplement un brebis, un agneau, un animal, mais le servant souffrant. Quoi faire avec tout cela? Est-ce que c'était le plan de Dieu ou non? Est-ce que Jésus est mort sur la croix seulement parce que peut-être Dieu s'est couché pour un couple de jours et Hérode et Ponce Pilate sont tombés dans une conspiration et comme résultat, Jésus est mort sur la croix. Ça signale que la chose centrale de l'Évangile, ce n'est qu'un accident d'histoire commis par des hommes méchants. Est-ce qu'on peut accepter cela? On ne peut pas préserver l'Évangile comme cela. D'autre côté, si vous croyez que verset 28 a raison, que ces hommes ont fait ce que Dieu avait déterminé d'avance, parce que véritablement c'est le plan de Dieu, cette croix, mais vous n'êtes pas aussi confortable avec verset 27, qu'est-ce qui arrive? Si c'est le plan de Dieu, on dit, pourquoi blâmer pauvre Pilate? Il n'avait pas de choix. C'est le plan de Dieu. Il n'est pas responsable. C'est le plan de Dieu. Dès le commencement, avant la création du monde, c'était dans le plan de Dieu que Jésus soit crucifié pour son peuple. Si c'était déjà dans le plan de Dieu, comment est-ce que pauvre Pilate et Hérode pouvaient l'éviter? Quand l'épouse de Pilate a dit « Tu ne devrais rien faire avec cet homme. » Et lui, il se lave les mains. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je ne veux pas me laver les mains. Mais quelque chose force que mes mains soient entrées dans l'eau. Je ne peux pas l'éviter. C'était une conspiration. Il était méchant. S'il n'y a pas de culpabilité dans ces hommes, qui ont décidé que Jésus soit mis à mort sur la croix dans une espèce de réel politique corrompu. S'il n'y a pas de condamnation pour ces personnes à cause de la souveraineté de Dieu, il n'y a pas de culpabilité nulle part à cause de la culpabilité de Dieu. S'il n'y a pas de culpabilité pour des personnes qui décident que Jésus doit être crucifié, comment blâmer n'importe qui? Après tout, c'est la souveraineté de Dieu. Ah, je ne suis qu'un outil. Ah, c'est Dieu qui fait cela. Blâme Dieu. Donc, si nous n'acceptons pas à la fois verset 27 et verset 28, l'Évangile ne fait pas du bon sens. On détruit la signification de la croix. S'il n'y a pas de culpabilité, on n'a pas besoin de la croix. S'il n'y a pas de souveraineté, c'était un accident d'histoire et pas le plan de Dieu. Donc, malgré le fait que sans doute il y a des mystères dans tout cela, je n'hésite pas de souligner les mystères de Dieu. Oui. Mais parce qu'il y a un mystère dans la providence de Dieu, néanmoins, il faut confesser la vérité de ces deux propositions. Autrement, en fin de compte, vous détruisez l'Évangile. Vous détruisez la signification de la croix. Dieu est souverain. La croix, c'était son plan. Mais ça ne réduit pas la culpabilité, la responsabilité de ceux qui ont implanté les clous. Hérode et Ponce Pilate et les principaux sacrificateurs étaient responsables. Ils sont condamnés. C'était une conspiration. Néanmoins, c'était le plan de Dieu. Et le seul espoir pour Ponce Pilate, c'est le même espoir qu'à Don Carson. Cette croix. Autrement, il n'y a pas d'espoir du tout. Maintenant, c'est seulement dans le cadre de textes comme cela qu'on peut comprendre, il me semble, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Je dois dire aussi que, malgré le fait que j'ai choisi seulement un passage des prophètes, Ésaïe chapitre 10, il y a une vingtaine de passages dans les prophètes majeurs qui soulignent la même leçon. J'ai mentionné seulement un passage. Mais ça arrive souvent. C'est pas rare, ça. Ce n'est pas qu'il y a un texte ici et là. Ça arrive un peu partout. Et il y a un grand nombre de textes qui insistent à la fois que les personnes dans le temps de Jésus, dans le ministère de Jésus, étaient responsables et coupables, et qui insistent à la fois que tout ce que Jésus dit, tout ce que Jésus fait, tout ce que Jésus achève, c'est par l'accomplissement des anciennes Écritures, n'est-ce pas? Donc, ces thèmes ne se trouvent pas tout simplement dans Actes chapitre 4, verset 27 et verset 28. Je vous donne tout simplement quelques exemples pour démontrer de près des thèmes qui se trouvent presque partout dans la Sainte Parole. Les deux propositions sont enseignées à maintes reprises à travers la Bible. Je suis le premier à avouer qu'il y a un mystère dans tout cela. Quand même, si on rejette soit une proposition, soit l'autre, on détruit l'Évangile. Il n'y a pas de manière, afin que je puisse voir, de l'échapper. Donc, on arrive à un passage comme Romains chapitre 8, verset 18 et suivant. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Voyez-vous, deuxième pilier, eschatologie. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Encore deuxième pilier. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Premier pilier. Avec une espérance. Cette même création sera libérée de la servitude et de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Deuxième pilier. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous avons été sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mystère. Et nous allons voir sixième pilier un peu plus tard. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toutes choses coopèrent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Quatrième pilier, le mystère de la providence. Maintenant, la Bible ne sait pas de tout expliquer comment Dieu préserve sa souveraineté et préserve aussi à la fois que nous sommes responsables devant lui. À travers les siècles, les théologiens, les exégètes, les prédicateurs, les chrétiens ordinaires ont essayé de méditer sur ces thèmes pour mieux les comprendre. Il y a un grand nombre de livres à ces sujets. Quelques-uns même nous aident. Mais en fin de compte, il faut admettre qu'il y a un mystère dans la Providence. Même les puritains, encore une fois, aimaient écrire des livres sur ce sujet, le mystère de la Providence. Et une de nos responsabilités comme chrétiens, comme théologiens, c'est d'essayer de comprendre ces choses d'une façon suffisamment profonde que nous ne créons pas par accident une contradiction nécessaire. Nous voulons être sages dans les explications de ces choses, dans la prédication de ces choses. Mais ne pas créer une contradiction nécessaire n'est pas exactement pareil à tout expliquer. C'est-à-dire, un chrétien bien expérimenté peut parler de ces choses d'une façon où il n'y a pas de contradiction nécessaire, sans prétendre, sans donner l'impression même qu'il connaît ces choses si largement, si complètement, que franchement, il n'y a plus de mystère. De même façon, quand nous disons que Jésus est à la fois Dieu et homme, nous sommes sages si nous sommes fidèles au texte biblique et nous essayons des formules qui représentent ce que disent ces textes avec une synthèse qui n'est pas exhaustive, mais qui n'introduit pas par accident une contradiction nécessaire. Mais il y a encore, en fin de compte, un mystère, même dans l'incarnation, n'est-ce pas? Quand nous arrivons à un tel mystère, une des choses qu'il faut faire pour ne pas introduire une contradiction nécessaire, une des choses, ce n'est qu'une, c'est d'en tirer des leçons de ces deux propositions, des leçons qu'en tire la Bible et pas d'autres. C'est-à-dire, quand nous arrivons à la première proposition, Dieu est souverain, mais ainsi de suite, quelles sont les implications bibliques de cela? C'est-à-dire, quelle sorte de conclusion, quelle sorte de méditation, quelle sorte de fonction est-ce que ce texte a? Est-ce que ce thème a dans la Bible? Comment est-ce que cette vérité fonctionne d'une façon biblique? Quelles sont les leçons qu'en tirent de ce thème les personnages bibliques? Est-ce qu'il y a une conclusion quelque part? Dieu est souverain. Donc, je n'ai pas besoin de prier parce qu'après tout, il va faire sa volonté. Ce n'est pas la conclusion qu'en tire n'importe qui dans la Bible, n'est-ce pas? Le plus près à ce point, c'est ce que Jésus lui-même enseigne. Ne pensez pas que Dieu vous entend à cause du fait que vous priez constamment, vous répétez tout, comme les païens. Dieu sait ce dont tu as besoin avant que tu pries. Mais le même Jésus nous donne Luc chapitre 18 avec une parabole pour nous enseigner que nous devons toujours prier et pas quitter. Ni Jésus, ni aucune autre personne en tire la conclusion de la souveraineté de Dieu que la meilleure prière, c'est que ta volonté soit faite, puis ça finit là. Malgré le fait que dans un certain sens, il faut prier avec Jésus dans le jardin, que toi, ta volonté soit faite par la mienne. Quelle sorte de conclusion faut-il tirer de la deuxième proposition? Les hommes sont responsables. Faut-il en tirer la conclusion? Eh bien, si nous sommes responsables, Dieu a fait tout ce qu'il va faire. Maintenant, ça dépend complètement de moi. Ça dépend complètement de ma volonté, de ma choix. Dieu a fait tout ce qu'il a fait. Maintenant, la conclusion dépend complètement de moi. Y a-t-il un passage comme cela? Vous voyez, on peut en tirer des conclusions de ces thèmes, il me semble, que la Bible en tire et pas d'autres. Autrement, on commence à introduire des contradictions nécessaires. Et pour éviter ces contradictions, une des choses qu'il faut faire, c'est d'en tirer des conclusions, des implications qu'en tire la Bible et pas d'autres. Maintenant, c'est midi moins cinq et j'ai une longue passage que je veux introduire, mais probablement après le dîner, après le repas. Éphésiens chapitre 1, pour démontrer davantage comment fonctionnent ces deux propositions.